Bismillah wa alhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, je souhaite faire un rappel ici à nos frères, en particulier ceux qui vivent dans nos quartiers, nos jeunes frères comme les moins jeunes. Tout d'abord, j'aimerais rappeler le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Comme il dit, tabaraka wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ceci est le but de la création de l'homme. Il fut créé afin d'adorer son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Que chacun d'entre nous donc fasse un retour sur soi-même et réfléchisse et se demande, est-ce qu'il œuvre selon ce but pour lequel il a été créé? Ensuite, une chose que nous observons malheureusement, le fait que beaucoup de nos jeunes, comme les moins jeunes, qui vivent en particulier dans nos quartiers, s'écartent du droit chemin. Ce droit chemin qui fut tracé par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce droit chemin que si la personne suit, atteindra la félicité et le succès dans cette vie d'ici-bas, comme dans l'au-delà. Je dis ceci et la plupart de nos jeunes sont intelligents et issus de bonnes familles, de familles ayant une bonne éthique. Mais malgré cela, beaucoup d'entre eux se sont égarés de ce droit chemin. Parmi les causes de cela, le fait de rechercher la réputation. Cette réputation, il essaye de l'atteindre par de différents moyens, qui sont, pour l'ensemble d'entre eux, des moyens qui ne sont pas légiférés, qui sont plutôt interdits par notre religion. Bien souvent, la réputation s'acquiert par une certaine force physique, alors que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, dans le sens de ses paroles, « Celui qui est fort, ce n'est pas celui qui est fort au combat, à la lutte, mais plutôt celui qui est fort, c'est celui qui peut se maîtriser, se contrôler au moment de la colère. » Il n'y a pas de doute que dans nos quartiers, la réputation s'acquiert de cette manière très malheureusement. Et ceci de par le fait que beaucoup suivent l'exemple de personnes qui ne sont pas des exemples à suivre. Comme par exemple les rappeurs, comme par exemple les chanteurs en général, comme par exemple les joueurs de foot, de basket, etc. Comme cela, les acteurs de télévision, etc. C'est-à-dire que ils prennent comme modèle des gens qui n'en sont pas. Le musulman ne doit pas prendre ce genre de personne en modèle. Les modèles du musulman sont le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ainsi que les savants de l'islam, les héros de l'islam, ceux qui ont marqué l'histoire parmi les musulmans. Comme cela, parmi ces choses qui sont tristes de constater, le fait que beaucoup prennent le quartier comme un terrain de jeu. Ils vivent dans le quartier comme si ils n'ont pas de but. Encore une fois, on revient au but pour lequel Allah tabaraka wa ta'ala t'a créé. Ils sortent le matin, ils passent toute la journée dehors, laissant leur mère et leur père s'inquiéter pour eux, ne pas savoir où est-ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Parfois, dans le quartier, ils le prennent, comme je l'ai dit, comme un terrain de jeu. Ils dégradent des biens qui sont des biens d'intérêt général ou alors même des biens privés. Et ceci, il n'y a pas de doute que l'islam ne le cautionne pas. Fais bien attention de ne pas faire de l'injustice à ton prochain, en particulier les gens qui sont les plus proches de toi, comme tes voisins par exemple. Et sache que, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et crains l'invocation de celui à qui on a fait une injustice, car il n'y a pas entre son invocation et Allah de voile, c'est-à-dire que son invocation est exaucée, celui à qui tu as fait une injustice. Prends garde à cela, tu es injuste envers quelqu'un, il suffit qu'il invoque Allah tabaraka wa ta'ala contre toi, contre les gens que tu aimes, contre les gens de ta famille, et il se peut que son invocation soit exaucée. Et par ta faute, un grand mal arrive. Comme cela, le fait de prendre le quartier comme terrain de jeu et s'attirer des problèmes, que ce soit des problèmes avec les voisins, que ce soit des problèmes avec d'autres personnes qui vivent dans le quartier, comme ceci, le fait de s'attirer des problèmes avec la justice, chose qui va attrister tes parents, chose qui va attrister les gens pour qui tu comptes, et ramener le déshonneur sur ta famille. Comme cela, quelque chose qui est notable et notoire, bien malheureusement, la drogue et l'alcool, la consommation de stupéfiants et la consommation d'alcool. Et comme tout le monde le sait, ces choses sont interdites en islam. Rends-toi compte que ces choses sont interdites, qu'elles constituent un grand péché. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dise à propos de l'alcool, que celui qui en boit, sa prière ne sera pas acceptée de lui pendant 40 jours. La prière, le deuxième pilier de l'islam, sa colonne principale, celle-ci ne sera pas acceptée de toi pendant 40 jours si tu consommes de l'alcool. Et comme cela, les drogues ont le même jugement que l'alcool. Et sans aucun doute, l'alcool, et comme cela, comme je l'ai dit, la drogue est la mère des péchés. Car au moment où la personne consomme cette substance, sa raison est modifiée, sa raison est pervertie, et ceci l'emmène à d'autres péchés. C'est pour cela qu'elle est appelée la mère des péchés, c'est-à-dire qu'elle l'emmène à plein d'autres péchés, comme ceux que nous avons évoqués précédemment, et beaucoup d'autres péchés encore. Comme cela, comme je l'ai évoqué précédemment, le fait de prendre comme modèle des gens qui sont des pervers, des gens qui t'incitent à commettre des péchés, qui t'incitent à te comporter d'une mauvaise manière, qui t'incitent à être vulgaire, à mal parler, à mal te comporter, alors que tes parents t'ont bien éduqué. Tes parents sont des gens qui ont une bonne éthique, sont des musulmans qui sont humbles. Et toi, comme cela, tu jettes la honte sur ta famille, tu jettes la honte sur ton nom. Et ceci est vraiment très dommage de voir que des personnes aussi intelligentes que nos frères dans nos quartiers se comportent de cette manière-là et tombent dans cela, ceci, par manque de personnalité. C'est-à-dire que le manque de personnalité, le fait qu'ils ne se sont pas forgés une personnalité propre à eux, même s'ils pensent l'inverse, ils pensent avoir une certaine personnalité, ils pensent être forts, ils pensent être, mais ils n'en ont pas de personnalité, au point que tu es obligé de suivre des gens, de faire comme eux, de les imiter. Chacun est la copie de son voisin, de les imiter, alors que si tu avais une personnalité, œuvrerais selon ce qui t'est profitable dans cette vie d'ici-bas. L'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, le suivi de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu prendrais comme modèle les gens qui sont à prendre en modèle, le meilleur des hommes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, radiyallahu anhum. Ceci est ce qui est obligatoire pour le musulman de faire. Sois comme Allah et son messager veulent que tu sois, et non comme les gens, que ce soit tes amis, ou alors les gens de l'extérieur veulent que tu sois de telle ou telle manière. Non, ce qui doit être la chose qui te fait bouger le moteur, c'est de savoir comment Allah et son messager veulent que tu sois et que tu œuvres selon cela. Un dernier point, ce qui est en rapport avec les relations avec les femmes. Bien malheureusement, les jeunes ne savent pas se comporter envers leurs sœurs ou envers les femmes en général. Le fait que Allah Azza wa Jalla leur a légiféré le mariage jeune, comme cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint les jeunes de se marier tôt, ceci afin de se préserver, de tomber dans la fornication. Tout ceci sont des règles, tout ceci sont des prescriptions religieuses qu'il te convient de suivre. Ceci, comme je l'ai dit, afin que tu atteignes le succès d'ici-bas comme dans l'au-delà. Ne penses-tu pas à fonder une famille, à avoir des enfants, que ces enfants soient pieux, que ces enfants deviennent des gens respectables, que tes enfants soient des adorateurs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'ils rentrent au paradis. Il n'y a pas de doute que cela passe par le mariage d'une manière licite avec une femme licite et non par le fait de jouer avec des femmes, avec tes sœurs, en tombant dans des péchés comme la fornication par exemple. Comme cela, le fait de ne pas respecter les femmes en général et de les traiter d'une manière que l'islam ne cautionne pas. Tout ceci est un grand mal que nous pouvons voir malheureusement dans nos quartiers. Ceci est un bref rappel concernant ce sujet. Un conseil pour mes frères. Wallahu al-musta'an wa alayhi tuklan wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.